là, on a réussi à le menotter, mais là, pendant ce temps-là, tous les rats qui étaient en haut dans les gratteux de guitare, c'est tous des hosties de corée rouge, là. C'est tous des artistes, en tout cas, des mangeux de marde. Porte pas de matricule, il adore le poivre, il aime ça quand ça brasse, mais lui au moins le fait avec intelligence. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Hey, bonsoir tout le monde. Il y a beaucoup de monde ce soir. Hey, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps d'aller se cacher dans le garde-robe oui. au cas où l'agent 728 passerait par là. Oui. Hein. Beau bout de femme, beau oui. bout de femme, franchement. Hey, caliboire. Hey, bonsoir, Fren. Bonsoir. Une bière, avez-vous une bière? Les portes sont-ils barrées? Ah là là, elle viendra pas, elle non? viendra pas. Non, non, non, okay. non, non, non. Hey, y a pas de gratuit de guitare ici, pas de stress là. Hey, non, non, on a eu droit à une première semaine sans commission Charbonneau. Et ma foi... Ben, ça n'a pas trop paru. Hein? Des grosses allégations ont sorti du témoignage à huis clos de Lino Zambito. Il faut ajouter 30%, Jean-Philippe, c'est plus un 11 clos. Ah, c'est une bonne blague, hein? Ah non, mais les gens ont ri. Les gens ont ri, je trouve ça le fun, frère. Voilà. C'est la vôtre. En tout cas, ça s'envoie des fleurs, hein? Puis des billets de spectacle à qui mieux? Nathalie Normando, Gilles Vaillancourt, oui. Michel Courchêne, puis évidemment, ben, Gérald Tremblay, qui était même pas là. Non, non, il n'était pas au courant, mais il sera pas là non plus hein, pour la prochaine campagne à mairie de Montréal, si on se fie au sondage. Ben oui, ouais, justement. Gros sondage, gros sondage. C'est dans la presse hein, pour les candidats favoris des Montréalais pour remplacer Gérald. Et c'est Denis Coderre qui remporte la palme avec 26% de la faveur populaire. Hein, 26. Déçu quand même. 26%, c'est pas beaucoup, mais ça semble pour un égo comme Denis. Ah, mais gaga. Moi, ce qui m'a étonné de ce sondage-là, c'est que 4% des gens voteraient pour André Boisclair. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, visiblement, il y a 4% des Montréalais qui n'ont pas écouté notre émission la semaine passée. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que nos cotes d'écoute augmentent. Hein? Ouais, plus que celle d'André. Enfin, ce qui est encore plus étonnant, là, c'est que 16% des répondants estiment que la corruption et la collusion n'ont jamais existé à Montréal. C'est spécial. Ouais. Mais d'après moi, André Pratt et Alain Dubuc ont répondu souvent au sondage. Ouais. À mon avis, c'est ils ça. Ils ont passé la semaine là-dessus. Ah ouais, ils cliquaient là, sans bon sens. Non, ça, on va se le dire, de toute façon, là, tout ça, c'est assez secondaire parce que la grosse nouvelle, c'est le recul du Parti québécois sur une de leurs promesses, celle d'abolir la taxe santé. Hein? Ça s'appelle maintenant une contribution santé. Ah, oui. Ah ben c'est moins pire dit comme ça finalement. Oui, hein? Ça rentre mieux. Hein? Ouais, c'est, on appelle ça un lubrifiant fiscal. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais en plus, cette semaine, ben, on a appris qu'on était bien plus riches au Québec. Oui. Hey. 42 000 et plus. On est rendu riche. On est rendu riche. Ah non, c'est carrément. À 42 000, t'es rendu riche. Moi, j'ai commandé ma BM déjà. Ah ouais, ben c'est clair. Écoute, quand j'ai appris ça, moi, c'est une affaire de fou. Ben oui. Ah non, non, non. Non, mais c'est malade la création de richesse du PQ, hein. Et c'est une bonne façon de fonctionner, je trouve. Tu descends tout le monde, comme ça, t'as l'impression d'être plus haut. Oui. Hein? Ça fait moins de suicides en plus, on tombe de moins haut. Ben oui, c'est bien moins dangereux. On règle deux problèmes. Ben oui, gars. Mais ça a été la grosse nouvelle, hein. Tellement qu'on n'a pas parlé du gros tremblement de terre qui a frappé Montréal. En tout cas. Non, là, Fred, il y a, non, attendez un peu. Il n'y a pas de joke du Dr. Barrette. Non, on va arrêter ça, les jokes du Dr. Barrette. Ça m'a jamais fait rire en passant. Ben, vous avez raison, puis de toute façon, ça aurait pas été crédible. C'était juste un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter. Le Dr. Barrette aurait fait plus que ça. Ça, c'est clair. Vous savez que, pareil, que le cousin de Luc Merville fait déjà une levée de fonds au cas où, hein? Ah, ben, c'est toujours payant, cette affaire-là. Un chalet à payer. Ben, ouais. Parlant de levée de fonds, on a beaucoup parlé de l'allaitement glamour aussi cette semaine. Oui. Ça, c'est grâce à Maë Paiement. Ouais, hein? Ouais. Même Mario Dumont avait une opinion là-dessus. Ben oui. Il a dit que Maë Paiement mettait une pression correcte sur les femmes. Ouais, juste assez. Ouais, moi, je pense qu'après ça, sincèrement, on est prêts pour une campagne sexy sur la dépression postpartum. Moi, je pense qu'on est rendu là. Ah ouais? Ouais. Ah ben oui, c'est pas fou, ça, Fred. Avec une belle photo de femme défaite par l'accouchement, ouais, là. Ouais. Mais une belle ouais, femme, ouais. Là, défaite par l'accouchement, là. Qui c'est connu qui a fait une dépression postpartum? Véronique Cloutier, non. Ça a bien été. Ouais. Céline Dion? Non, ça a bien été aussi. Joël Legendre? Non, ça a bien été aussi, Joël. Ouais. C'est plus les Gémeaux, lui. Ah, il y a eu des jumeaux? Non, les Gémeaux. Gémeaux, hein. Parce que, regarde, Il le sait, on le sait. On peut pas parler de ça encore. Parlant de dépression, il y a le Journal de Montréal qui a publié une bombe en début de semaine au sujet de la violence et de l'intimidation dans les garderies du Québec. Hey, non, non, on a même titré des bambins agressifs à l'extrême. Il paraît qu'il y a une moyenne d'une agression aux 15 minutes chez les 3 à 5 ans. C'est pas une blague. Alors, monsieur Fourette, moi, écoute, en plus, ces enfants-là n'ont même pas commencé à lire le Journal de Montréal. Ah, c'est lent. Mais non, mais regarde, en tout cas, ça ferait des maudites bonnes polices. Oui. Eh, bah, boy, hein? Ça, c'est tout pour l'SPVM. C'est une pépinière. Ah, non, non, c'était terrible. On nous a. Attendez un petit peu, moi. On nous annonce à l'instant qu'il a neigé dans le parc des Laurentides. Est-ce c'est un record pour un 12 octobre? Ben, écoutez, je sais pas. Mais ça doit être une neige qui était prévue pour décembre, puis c'est le PQ qui a ramené ça en octobre. Ah, voilà. C'est rétroactif. Ben, ouais, c'est ça. C'est pour sauver de l'argent, j'imagine. Tu sais, ce qu'ils sont, eux autres. Mais bon, nous autres, on n'a pas peur de dépenser de la grosse argent pour nos invités. Hein? C'est très coûteux. On reçoit tout d'abord Pierre Moreau, qui se lance dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Candidat de la jeunesse, mon fils l'adore, il a 8 ans. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Es-tu membre du parti? Non, mais André Pratt vient jouer à la maison souvent. Il joue à... Petit casse-tête. OK. Simple. On reçoit également Jean-René Dufort de l'émission Infoman sur les ondes de Radio-Canada. Hey, 13e saison déjà, Infoman. Bravo. 13e? Oui. Ça porte pas malheur, ce 13? 13, porte malheur? Ben, on va y demander. De toute façon, on a encore le temps parce que la soirée est encore jeune. Ben merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, bonsoir. Oui, salut. Les internets, là, c'est toujours la même adresse, toujours. Oui, c'est toujours twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée, notre site radio-canada.ca/lasoirée. Et vous pourrez y trouver une photo de Léo Bureau-Blouin qui trippe bien raide dans un tournoi de pétanque de l'âge d'or. C'est ben, vrai. C'est comme ça être député, hein? Ben oui. C'est que du fun. Hey, grosse semaine d'actualité. Ah ouais, c'est hey, fou. Grosse semaine. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler, là, c'est vrai, là, du gros rappel de céréales, Mini Wheat de la compagnie Kellogg. C'est sorti jeudi. Oui. Ah, oui. Il paraît-il qu'il y a un côté givré et un côté métallique. Oui. Pas une blague, du métal. Ils ont envoyé ça en Inde, ça va leur faire un changement de Fruit Loops à l'amiante. Ah, ben oui, c'est pas fou, vu de même. Ah, merci, Fred. Hey, on en a parlé un peu tout à l'heure. Les frasques de Madame 728 lui ont valu d'être suspendues par le SPVM. Hein. On s'inquiète quand même pour l'avenir de Stéphanie Trudeau, beau nom de famille, beau nom de famille, dont le plan de carrière a peut-être été chamboulé par les gratteux de guitare. Et ça, ça nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors voici donc 5 emplois que pourrait occuper 728 si elle se faisait congédier. Alors en 5e position, garde du corps de Pauline Marois. Ben tout à fait. Si ça fait pas, ils pourront toujours changer d'idée et la mettre dehors. Ben oui, rétroactivement. On peut y aller au Beaucheron, et ainsi de suite. Ça fonctionne, c'est ça. Oui. En 4e position, ah, ça c'est le fun. Gros joueur de centre chez Canadiens. Ah non. Ça fait longtemps qu'on en cherche un. C'est drôle, je la verrais plus à l'aile droite, là. En tout cas, peu importe. C'est le power play. Peu importe. Tu sais, tu l'envoies sur le power play, c'est ça. En 3e position, très bonne idée, agente d'Éric Lapointe. Oh! Il va avoir pas mal moins de guitare dans ses chansons. Ouais, ouais, mais en tout cas, il va se tenir droit. Ouais. Hein? Ça serait le fun de l'entendre, agent, lui. En 2e position, porte-parole pour l'allaitement, mais ça. Ça va être moins glamour que ma épaiement, par exemple. Ouais, mais du lait poivré, on sait pas ce que ça fait. C'est le fun. Non, ouais, c'est vrai. Et en première position, whip à la CAQ. Ben, parle-moi de ça. Hey, irais-tu te le chercher, toi, Rebello? Ben, je pense que oui. Ouais. Hein. D'ailleurs, Rebello devrait être content. Oui. On est la seule émission qui parle encore de lui. Oui. Franchement, là. On le maintient en vie artificiellement. Ben, mais, hein. Hey, Fred, notre premier invité. Ministre des Transports sous l'ancien gouvernement Charest, notre invité se lance dans la course à la chefferie en incarnant la jeunesse et le renouveau. Deux choses qu'on n'a pas vues au PLQ depuis presque Jean Lesage. Accueillons M. Pierre Moreau. Oh bon, monsieur Moreau. Oui. Premièrement, une bière. Non, j'ai... Ah oui, pas de bière? Ben non, je conduis. Arrêtez donc, tu n'as même pas de chauffeur. Puis maintenant? C'est rendu là. Vous êtes rendu là au PLQ. Ah oui, oui. Mon Dieu. Mais là, on est en pleine course à la chefferie au Parti libéral du Québec. Jean Charest vient de quitter. On a évidemment Raymond Bachand. Hein? Oui. On a aussi Philippe Couillard. Mais vous l'avez reçu, Raymond? Ouais, oui, tout à fait. Homme affable, franchement sympathique. Et on a le troisième, qu'on oublie souvent le nom. Pierre Moreau. Ah, c'est ça. Pierre Moreau. Mais comment ça se fait qu'on oublie le nom de Pierre Moreau? Parce que ça fait pas assez longtemps que vous êtes là. Ben, je sais pas, honnêtement, pourquoi vous l'oubliez. Parce que lorsque j'étais ministre des Transports, j'ai pas été oublié souvent, je vais vous dire. Non, mais il faut dire que vous aviez un prédécesseur qui était difficile à oublier. Ben non, moi, je l'ai suivi. Alors, vous avez oublié le prédécesseur. Non, on moi, s'en vous, souvient vous avez très pas bien, pu m'oublier, je suivais. Ah oui, non, mais c'est... Ouais. Puis je suis arrivé à un moment où il y avait beaucoup d'actions au transport. Ouais, ça tombait partout. Pas comment... ben, alors, je me suis fait oublier, ce qui est une bonne qualité quand on est ministre des Transports, parce que probablement. Je vais vous dire, ça veut dire que là, tout va bien. Ben oui, ben oui. Ben, non, non, mais c'est parce qu'en même temps, on se dit, Raymond Bachand, qui est un ténor du Parti libéral. Oui, c'est un ténor, je sais pas. Il est peut-être basse. Non, mais je parle... Non. Il y a la voix, il y a la voix basse. Non, mais je me dis ça parce que vous me faites penser aux trois ténors. Ouais. On a Pavarotti, on a Domingo, ouais. On a le troisième qu'on oublie tout le temps. Oui, c'est qui? Marc Hervieux. Marc Hervieux, non, ouais. le petit Carreras. Mais n'empêche, je me dis, pourquoi vous n'avez pas fait une conférence de presse pour annoncer votre candidature? Ben, je l'ai fait. Ah, c'est ça, c'est en même temps. Vous l'avez oublié. Parce que c'est en même temps que celle-là. Il y a le téléphone qui sonne. Ah, ça doit être Gérald Tremblay. Ben oui, parce que Gérald a décidé de faire une conférence de presse en même temps que vous. Non. Ben, quasiment. Je pense pas. Non, non, on était pas mal seuls lorsqu'on a fait la conférence de presse. Oui, il y avait une grosse journée, la commission. Oui, ce journée-là. C'est ça. Ben, il y a beaucoup d'actualités, puis c'est ça. Ben, vous le savez, vous êtes une émission d'actualité. On essaie. Vous essayez d'aller. Ouais. Alors, des fois, vous êtes télescopé par les autres nouvelles. Puis ça, c'est-tu fâchant, ça? C'est pas douloureux, mais ça peut être fâchant. C'est ça que je me disais. Et là, évidemment, on parle du Parti libéral du Québec, oui. Qui a perdu aux plus récentes élections. Moins qu'on pensait, par contre. Hein? Plusieurs analystes et même sondeurs s'attendaient à une chute. Ah, les sondages, ça, c'est vraiment... Oui, malheureusement, c'est pas dans un de mes sujets de discussion ce soir. Ouais, oui, c'est fâchant de même. Mais on a parlé, évidemment, de M. Couillard, de M. Bachand. On en pense quoi de M. Couillard, par exemple? Vous en pensez quoi de Philippe Couillard? Ben, Philippe Couillard, c'est un gars qui est très intelligent. C'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars avec qui j'ai travaillé, d'ailleurs. Lorsque Philippe était ministre de la Santé, j'étais adjoint parlementaire à la Justice. Ouais. Et on a travaillé en étroite collaboration parce qu'on est dans le même caucus. Et c'est quelqu'un qui est très travaillant, qui est studieux, qui est un gars que je respecte. Un bon beaucoup. Chef? Moins que moi. Ah! C'est ça, j'étais pas sûr. Il est travaillant et studieux et il pourrait faire un gars d'équipe extraordinaire. Un genre de bon vice-premier ministre. Là. Oui, ou un bon ministre de la Santé. On l'a déjà essayé, là. Pis... Ouais. Vous trouvez qu'il n'y a pas été... En Arabie Saoudite, ils sont très satisfaits. Oui, paraît-il. Ouais. Oui, on pense quoi de ça? On pourrait le caster ailleurs. Oui, bien, on va le recevoir bientôt. Vous êtes bon dans le aussi. Casting, vous allez le recevoir. Ouais, ouais, si vous lui demanderez quel est son rôle favori, je vais écouter l'émission. Ben, tout à fait. Et je retiendrai ses suggestions. Ses préférences, parce que c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un à bonne place. Voilà. Ça serait embêtant de le mettre premier ministre puis il n'est pas à l'aise là. Non. Ça serait-tu niaiseux? Oui. T'sais? Non, non, non. Il arrive là puis il s'en va. Ben, c'est ça. Franchement. C'est ça. Mais avant d'être premier ministre, il faut être chef de parti. Non, ça, c'est vrai. Et ça, c'est important. Parce qu'on oublie, là, c'est la course au leadership. Oui, oui, ben... Alors, c'est pas la course pour être premier ministre, c'est la course pour être chef. Mais là, justement, les règles pour la course n'ont pas été divulguées. Je me trompe? Non, elles n'ont pas été divulguées parce qu'elles étaient en négociation par les instances du parti. On attend le rapport de la commission Charbonneau pour Non, pas du tout. Mais non. Ça, c'était. La commission Charbonneau, ça peut durer encore très longtemps. Les règles vont être connues bien avant. Et la course à la chefferie devrait avoir lieu bien avant la fin de la course. Donc, on parle du mois d'avril. Un peu avant, je pense, début mars. Pour défaire le gouvernement là, au mois d'avril avec le budget, c'est ça? Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ça? Moi, ce que je dis, c'est que j'ai besoin de stock pour l'émission. Oui. Hein? OK. Ouais. Alors, mais en avril, vous avez plus rien dans le scénario. Là, on va être rendu à notre 50e émission. Honnêtement, on a besoin d'aide. Oui, on a besoin d'aide. Mais aimeriez-vous qu'on le fasse avant si vous pensez manquer de matériel? Ben, en même temps, je me dis, un parti pas de chef, c'est embêtant. Non, mais je vais vous dire une chose. C'est-à-dire qu'avec le gouvernement qu'on a là, vous ne manquerez pas de matériel parce que vous avez vu que votre actualité, ben là, oui. Je voyais votre introduction, vous en avez en masse. Oui. On pense de la quoi? Rétroactivité aller jusqu'à. On pense quoi du un mois du Parti québécois au pouvoir? Très sincèrement, beaucoup d'improvisation et on commence à parler d'une taxe rétroactive. Et lorsqu'on rétroagit, c'est la promesse. Alors, c'est une promesse rétroactive. Ouais, en ouais, fait, c'est une ça. Promesse, on ne la tient pas. Et il y a eu plein c'est de une choses première en politique, hein, que là, un parti ne tienne pas non, sa mais promesse. Non, mais c'est-à-dire, à la vitesse où ils le font, là, je vais vous dire... Oui, ils vont vite. Je vais vous dire, ils dépassent... Si j'étais encore ministre des Transports, je leur suggérerais de faire attention aux photoradars parce qu'à la vitesse où ils vont, changer d'idée... Ça fait que tu breaks sec, hein? Oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais là, justement... Il y a deux façons de breaker sec. Ouais. Faire ce qu'ils font, ouais. Puis rentrer dans le mur. Ils peuvent faire les deux. En même temps, en reculant, même, ils s'éloignent du mur aussi. Mais il y a un mur en arrière. Mais là, est-ce que Pierre Moreau, oui. Parce qu'on parlait beaucoup d'amitié gênante pendant la commission Charbonneau, et paraît-il que vous profitez des conseils d'un proche de la direction de la mine d'ArcelorMittal. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-à-dire que vous parlez d'Éric Tétrault. qui n'est pas... Je ne connais des... pas, moi, je n'ai pas ces amis-là, moi. Non, Eric, c'est quelqu'un qui travaille pour ArcelorMittal aujourd'hui. Un mineur ou un... Non, c'est un majeur. OK. Il est majeur, vacciné et baptisé. Et c'est quelqu'un que j'ai connu alors que j'étais en 2007 en politique. Il n'était pas là. Mais il n'était pas chez ArcelorMittal. Ah, à l'époque. Et c'est un ami, oui. Et je ne m'empêche pas de téléphoner ou de continuer d'avoir des amis parce que je suis en politique. Ben, j'espère pas. Ce qui n'est pas correct, c'est si ces liens-là étaient, par exemple, des liens dont on profitait à des fins qui sont incorrectes, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a une chose pour le public. J'ai l'impression que le public... Là, moi, je parle pas pour moi. Non. Je parle pour les gens, par exemple, dans la salle. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Les mortels. Il y a des gens qui se disent, ça a donc bien de l'air difficile pour un gars du Parti libéral d'avoir des amis normaux. Tu sais, une infirmière... Ouais. Mais vous, est-ce que vos amis sont tous normaux? Ben non, moi, j'ai Fred Savard ici qui franchement, parfois... Non, en réalité, ce que l'on fait, je pense qu'il ne faut pas faire de culpabilité par association. L'autre chose qui est importante, moi, je disais, il y a deux choses en politique qui sont importantes. Ouais. Mais je le disais quand j'ai lancé la campagne, il faut combattre de toutes nos forces la collusion et la corruption. Ça, tout le monde a raison de ça. Mais il faut aussi combattre la diffamation parce que si on veut faire cesser le cynisme puis attirer en politique des gens... qui ont une certaine valeur, il ne faut pas non plus leur prêter des intentions simplement parce qu'ils sont dans le même wagon de métro que quelqu'un d'autre. Vous avez tout à fait raison. Cependant, j'ai l'impression qu'il va falloir aussi que certains de vos collègues arrêtent d'aller voir des shows de Céline Dion, par exemple. Ouais. Tu sais, c'est ça qui peut porter à... C'est-à-dire que non, aller voir un show de Céline Dion, ce n'est pas un problème. Ça dépend comment on se procure les billets. C'est ça. Est-ce qu'elle est bonne, Céline Dion, en spectacle, monsieur? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Arrêtez donc. C'est vrai? Non, malheureusement, je ne l'ai jamais vu. Ben, écoute, vous vous présentez comme le candidat de la jeunesse. Ça, je trouve ça le fun. Ouais. On se rappelle que votre prédécesseur, et là, c'est comme si je vous mettais tout de suite en place de Jean Charest. Mais là, vous n'avez pas encore gagné, excusez-moi. Non, mais Jean Charest était très près de la jeunesse, surtout vers la fin de son mandat. Oui. Mais c'est vrai. Comment on fait au Parti libéral, puis on va se dire les vraies affaires, là, au Parti libéral et la jeunesse, c'est pas nécessairement deux mots qui vont très bien ensemble. C'est une mauvaise perception parce que... Encore? Il va falloir que vous m'invitiez plus souvent pour que je corrige, parce que vos cue cards sont pas très bonnes. Non, mais c'est moi qui les écris en plus. OK, bon, ben, écoutez, il y a des fautes. Non. Ah, ben ça, c'est Fred qui l'a écrit. OK. Mais parce que... L'iPad ne corrige pas. Oui, c'est ça, il ne surlit pas. Regarde, moi, je... Parti libéral, il y a une aile jeunesse qui représente le tiers des membres et qui représente le tiers des voix dans les instances du parti, ce qui est important. Ouais. Et c'est de tous les partis politiques, pas juste au Québec, au Canada, c'est le Parti libéral qui a donné le plus d'espace à la jeunesse en termes de vote et de capacité de participer aux instances du parti. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il faut, puis on n'est pas, je ne suis pas déconnecté de la réalité, on a, à la fin du mandat, eu carrément l'impression qu'il s'est créé une distance, un fossé. Ah, vous avez eu ça comme impression? Ben, tout le monde a eu ça comme impression. Ouais. Et moi, je vous dis, c'est pas correct de laisser ça. Ouais. Et il faut se rapprocher des jeunes parce qu'au Québec, non seulement dans le cadre du leadership, mais dans la société, on passe, puis vous en êtes une belle illustration, on passe de la fin des baby-boomers à... la prochaine génération. Puis je vais vous dire quelque chose, les baby boomers, j'en ai mon casque. Ah, vous êtes tanné. Regardez, ici, il en a plein, là. Puis Fred, d'ailleurs, il n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin. Oui. Vous restez avec nous, M. Moreau. On va parler avec Jean-René Dufort qui va venir nous joindre dans pas très longtemps. Oui. Je ne sais pas si vous avez écouté Tout le monde en parle la semaine dernière. Malheureusement, non. Guillaume Wagner qui est passé à Tout le monde en parle, un humoriste, et il a dénoncé les pratiques de choix Radio X. Toutes les émissions de toutes les stations de ce réseau ont tenu à lui rabattre le caquet. Évidemment, ben, notre Radio X Jazz à nous, à la soirée est encore jeune, n'allait pas être en reste. On écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. De retour pour cette sixième heure de l'émission Un air d'Arien, Kevin Gosselin au microphone. J'accueille maintenant Dave Poudrette et Sonia Saint-Amour. C'est Sonia en passant. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu de votre émission ce soir? Ben, on va évidemment parler de l'affaire Guillaume Wagner. Là. Et puis, disons, on sait toutes de toute façon que c'est pas Wagner, son nom, là, c'est Gagné, mais il a changé le G pour un W juste pour faire son fraîchis, là, ça fait plus engagé. Mais qui est donc ce Guillaume Gagné? Je sais pas, c'est un obscur humoriste, là, je le connais pas vraiment, puis bien honnêtement, là, je m'en sac, ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Ça nous empêchera pas de passer les deux premières heures à en discuter parce qu'il nous a déclaré à la guerre, Kevin. Ah bon? Ouais, il a dit qu'on était des épées, que les filles de la station étaient nenuches. Sonnes-tu, moi, comme une nounouche? J'en suis-tu une nounouche? Et je te repose la question, je sonne-tu comme une nounouche? Ben, tu sonnes comme du free jazz, en tout cas. Eh bien, ça promet pour votre émission de ce soir, c'est de 20h à minuit. Et en reprise demain matin. Et nous, on poursuit avec Dave Brubeck et la pièce Brother, Can You Spare a Dime? Que je dédie à tous les BS du Québec. Vous écoutez le Radio X Jazz de 91,1 blanc. C'est à s'y méprendre. Oui. Franchement, c'est normalement le moment de retrouver notre reporter tout-terrain, évidemment Jean-Sébastien, mais je ne sais pas s'il est là parce que, écoutez, est-ce qu'on a la communication? Allô? Oui, allô? On vous a pas vu de la semaine au bureau, Jean-Sébastien. C'est vrai. C'est bien étrange. Ouais, ben je suis dans une petite période de réflexion cette semaine. C'est un peu drôle, en fait, le sketch qui m'a précédé. Parce que je me demande si je suis pas un peu tanné de travailler pour La soirée est encore jeune, Vautier. Sais pas. Puis j'écoute souvent Radio X qui arrête pas de chialer contre notre émission. Puis à force d'entendre que notre émission, c'est de la chenoute, je commence à penser que notre émission, c'est peut-être de la chenoute. Ben t'es si bien, Jean-Philippe, que j'ai l'intention de quitter Radio-Canada pour Radio X. Et d'ailleurs, je suis présentement avec Jean-Nicolas Gagné, directeur de la programmation de Radio X Montréal. Ah. Et je vais vous le dire, Truman Vautier, je viens lui offrir mes services de chroniqueur et d'animateur. Bonjour, M. Gagné. Merci de m'accueillir en entrevue. Ça fait plaisir, M. Girard, mais là, vous allez devoir me parler de vous, parce que je vous connais pas partout. Puis Radio-Canada, on n'a pas le droit de regarder, d'écouter ça ici. Ben, vous faites bien. Bon, ce que je fais présentement, pas que j'en suis forcément fier. Depuis cet été, je travaille avec une gang de gens que personne connaît dans un show que personne écoute. C'est animé par un gars qui animait un show sur le sport, qui a pas bien marché non plus. Il anime un coup de la télé, il est pas très bon là-dedans. Bref, une gang de petits prétentieux, de fendants du tavern, géré par Jean-Philippe Bottier. Je sais pas si tu connais ça. Non, mais ma blonde me connaît bien. Par exemple, d'ailleurs, elle lui fait dire bonjour, là, Chicoutimi. Alors, on la salue depuis, bon, on lui fait dire bonjour. Est-ce qu'il y a autre chose aussi que je devrais faire pour m'adapter à vos standards? Par exemple, démembrer un conducteur de Bixi, faire brûler mon diplôme d'études supérieures ou faire caca sur un assisté social? C'est tout des prérequis, en effet. Si vous les avez déjà, c'est très bon pour nous, oui. Parfait. Alors, je m'engage à les faire les trois. J'aimerais qu'on parle maintenant des conditions de travail. Évidemment, vous le savez, je travaille à Radio-Canada, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Vous voyez comment je suis habillé, vous voyez mes lunettes mode. J'ai 8 recherchistes qui écrivent tous mes textes. Nous prenons 9 heures pour enregistrer une émission d'une heure. Mais avec vous, j'ai envie de sauter dans le vide, sans avantages sociaux, sans filet, parce que visiblement, c'est ça la bonne façon de faire de la taverne de bonne radio. Je me trompe? Non, non, tout à fait. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'on va être encore ouvert dans un an. Alors, en termes de risque... Ça, c'est un risque que j'aime beaucoup. Et là, d'ailleurs, monsieur, j'ai 2 projets d'émission que j'ai envie de déposer. Alors, je vais les chercher dans mon panier de Bixi et je reviens vous les proposer dans 4 minutes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Bonne chance. Merci beaucoup. Que vous êtes drôle. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier, une émission qui atteint pas mal plus que 4,5 sur l'échelle BBM. Eh bien, il n'a pas les capacités pour animer sur les ondes de Radio X, mais fait un très bon chroniqueur à la radio d'État, Fred Savant. Oui, bonsoir! Hey. Vous savez, il y a de la poésie partout quand on tend l'oreille. Oui, oui. En fait, non. Quand Nicolas Marceau recule, il n'y a pas beaucoup de poésie. Il y a surtout de l'improvisation. Et l'improvisation, c'est poétique seulement à la LNI, au PQ, c'est burlesque, mais pas drôle. Non, j'ai plutôt envie de vous parler de la jante 728. Oui, en fait, j'ai envie de faire l'avocat du diable un peu parce que la pauvre petite ne l'a pas eu facile depuis ce printemps. Et j'ai l'impression que les événements de cette semaine sont un peu une espèce de syndrome post-traumatique. Arrêtez donc. Ouais. Et comme Mario Dumont le disait hier si bien, en fait, hier matin, on a perdu le respect de nos policiers et ils font pitié, pouit-pouit. Alors, dans un élan d'amour pour notre corps policier, je vais tenter de démontrer que dans la prose de l'agent 728, il y a de la poésie. Ah oui? Question un peu de lui rendre justice. Et bon, je sais qu'elle va être suspendue, mais d'après moi, je vais être le seul à vraiment lui rendre justice. Alors, Phil, si tu veux bien, en fait, pendant quelques minutes, on va s'imaginer qu'on est à l'émission « Plus on est de fous, plus on lit hein, » sur la première chaîne. Même si au SPVM, il y a pas mal plus de fous que de lectures, visiblement. Alors, Phil, si tu veux bien nous poivrer une ambiance poétique... Ah! Alors voici la prose de la jante. Fait que, pis là, la porte de l'appartement est là. Fait que lui, il veut se pousser, pis moi, je le grabe. Pis là, je lui dis, il faut que tu t'identifies. Hé, tabarnak, pas d'affaire. T'es qui, toi, Calice? Nini, gna. Je dis, ben, gabin, tu bois une bière, pis tu t'identifies, pis ça vient de finir là. Ah, c'est bon, hein? Fait que là, on a sauté dessus. Puis là, on a commencé à se battre, avec pour le menotter parce qu'il était assez raide. Puis là, on a réussi à le menotter, puis pendant ce temps, là, toutes les rats qui étaient en haut, les gratuits de guitare, c'est toutes des astis de carré rouge, toutes des artistes, des platoniennes du nowhere, en tout cas des mangeux de marde. Fait que là, ils ont toutes commencé à sortir de l'appartement. Fait que là, Chris, sur le trottoir, Chris, on s'est levé la tête. Il y en avait à peu près 6 ou 7 autour de nous autres qui criaient « Lâchez-les, hostie! » Bon, 6 ou 7 autour, ça j'en doute, le SPVM a jamais été bien bon dans l'estimation de foule. Ouais, mais bon. D'après moi, il était un. Fait que là, on finit de le menotter, fait que là, hostie de cave qui me crie des noms, je l'enligne en estie. Fait que là, il se pousse dans l'appartement, fait que moi, je rentre dans l'appartement, je pars à courir là, je monte les marches et je grabe l'hostie de cave. Là, je saute sur l'hostie de trou de cul. Ouais, non, ouais, il y a un souffle, ouais. il faut. Ouais, là, évidemment, il se laisse pas faire. Arrêtez donc. Là, l'encolure, hostie, je suis en train de l'étouffer. Ouais, ouais. Je me bats avec 20 escaliers. On se bat avec 20 escaliers. Tu sais, on sent qu'il y a un. Hein? Ouais, ouais, il y a un rythme. Tout le monde nous encercle, ouais. Tout le monde nous filme, tout le monde nous crie après. Là, finalement, il a fallu que je lève le ton. Arrêtez et donc. Que je commence à sauter ma coche pour qu'il se disperse ou qu'il rentre vers le haut. Ah. Ça, je trouve que c'est une belle formule, ouais. Rentrer vers le haut. Vers le haut. Ouais. Même si j'aurais pas été 7-2-8, stade et cave, pareil. Tu sais, c'est juste qu'ils m'ont reconnu, c'est bien sûr qu'ils m'ont reconnu. C'est beau. Je suis facilement reconnaissable, hein? Une fille qui brasse, il n'y en a pas 12 000, tu sais. Oui, hey. Hein? Hey, non, mais avouez. Comme Michel Tremblay. Si vous ne connaissez pas le concept, on dirait les belles-sœurs. Hey, c'est ça, c'est oui. Ça, je me disais. Puis probablement que l'agent de 728 est une belle-sœur de quelqu'un. Probablement. Et j'ai une pensée pour cette personne-là ce soir. Ben oui, ouais. Ben oui. Merci alors, beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Je pense que. Il y en a de la poésie. La SPVM ben, est plein de poésie. Bien. J'avais l'impression. D'être dans un film de Disney. Oui, hein? Dire. Non, c'était cœur en main. Merci beaucoup. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien, qui, je l'espère, s'est fait offrir une job. Jean-Sébastien? Oui, bonjour. Je suis toujours ici. J'arrive de Montmorency pour présenter les projets, toujours en direct de Radio X, où je suis venu offrir mes services de chroniqueur, M. Jean-Nicolas Gagné. M. Gagné, alors, j'ai développé deux projets pour vous. Alors, je les résume. Vous me dites si ça vous intéresse, d'accord? Alors, voici. Mon premier projet, c'est une émission, oh, attention, culturelle, que j'animerais avec Matricule 728. Ça pourrait s'appeler, évidemment, Les Gratuits de guitare ou encore Les Mangeux de marde. On pourrait recevoir des artistes qui font de la bonne musique, de la vraie musique, pas de la musique de tapette, comme ce qu'on entend à Espace Musique. Et après les performances des artistes, Madame 728 pourrait mener des entrevues musclées et sans concession. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, du côté de Matricule 728, nous, on l'a déjà approché, mais on l'a trouvé un peu trop nuancé. Mais par contre, ce serait peut-être une bonne candidate, là, étant donné votre statut. Absolument. Parce que moi, je l'aime, je suis fou de cette femme-là. J'aime les femmes fortes, les femmes droites qui savent se tenir debout. On est au Québec. Mais au Québec, on n'aime pas ça, les femmes de droite qui réussissent. Il n'y a pas juste Françoise David dans vie, tu sais. En tout cas, mon autre projet d'émission, un beau projet d'émission féminine. On pourrait prouver à tout le monde que les nunuches sont pas forcément des connes, contrairement à ce qu'en pense le panel invité au Franc-Tireur pour parler de Radio X. Alors, je proposerais une série de grands portraits de femmes qui posent dans ce moment, qui jouent dans la porn. Ces femmes-là ont certainement quelque chose à dire, je suis convaincu. Et inspiré de Renaud Mirois, ces grandes entrevues se dérouleraient devant public et ça s'appellerait « Viens toucher les comédiennes ». Qu'est-ce que vous en pensez? Viens toucher les comédiennes, j'adore ça. Mais par contre, si vous êtes pour les toucher, je vous conseillerais de vous amener une paire de gants. Voilà, ça c'était prévu. Alors, Jean-Philippe, je suis tellement fébrile. Dans quelques minutes, c'est l'heure de mon audition. Je suis à ça de vous quitter. Je suis très content. Je reviens d'environ une dizaine de minutes. Ben, on espère que ça va fonctionner, hein? Vous êtes bien fait. OK, bye. Fred, notre deuxième invité. Il a débuté sa carrière télévisuelle à l'émission La fin du monde est à 7h dans les années 90 pour devenir finalement le Rick Mercer du réseau français de Radio-Canada, à moins que ce soit l'inverse. Accueillons Jean-René Dufort! Hey Jean-René! Oui! Merci, merci de venir nous voir. Ben, ça fait plaisir. Une bière? T'es-tu fou? C'est bien trop dangereux. Ben, aucune bière, pareil. Non, y a pas de problème. Écoute, les portes sont barrées. Ça prend une carte pour rentrer à Radio-Canada. Oui. Oh, oui, y a pas de problème. Y a pas de stress là. Vous avez de l'argent pour une bière, vous? Non, c'est donné, cette affaire-là. C'est une vieille affaire. Buvez-la vite parce que je suis le bord de passer date. C'est pas une blague. C'est que c'est vrai. Ouais, non, je sais. Mais ça, vous savez, ça se boit très bien avec du steak haché cru. Oui. Ça, là, ça fait passer ça comme de l'eau. Un colis on the rocks. Non. 13e saison d'Infoman. Ouais. Bravo. Mais on parlait de la 13e, ça porte malheur. On a choisi que c'était la 14e. Ah, déjà? On a sauté la 13e. Ah oui, c'est vrai. Les hôtels. Vous savez qu'à Radio-Canada, on a un 13e étage. Hein? Oui. C'est dans l'ascenseur aussi. Oui, on y a ce point avec ça, nous. Allez-y en escalier. Ben, nous autres, c'est plus science. On est comme ça à Radio-Canada. On parlait jeunesse. Non, regarde pas mes questions. Écoute, iPad, tout. Non, ben, regarde. Je veux dire, il y en a qui fonctionnent sur papier. Tendance, hein? Ça paraît que t'es beau dans les magazines. Ouais. Regarde. Hein? Il n'était pas, pas à jeun, par exemple, pendant la photo. Non, non, mais avez-vous remarqué, tous les beaux gars au Québec, ils ont comme un toupette dans les airs. Ouais. Pour être dans un magazine de filles, il faut que tu aies le toupette dans les airs. Tu tiennes avec les deux mains dans les poches, puis tu fasses... Faut certainement pas avoir les cheveux longs. Non. Non, mais regarde, c'est un truc de mode. OK, vas-y avec ta question, je laisse. Regarde, non, mais il n'y a pas de problème. En 93, j'avais les mêmes cheveux que toi. OK. On parlait... T'étais pas né en 93. Attends un peu, Un, deux, trois... Oh, ben oui, ça faisait pas longtemps, mais j'étais né. On parlait jeunesse avec, avec M. Moreau. Oui. Vous connaissez M. Moreau? Oui. Justement, là, l'importance de donner la place aux jeunes. Mm-hmm. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut tirer à plug, genre? Ben, moi, je me dis, le jeune, il est jeune. Ouais. Donc, son trouble, c'est de me piquer la place. Oui, c'est ça. Moi, je veux pas y laisser. Okay. Et là, il y a cette espèce de combat-là. Que, ouais. Moi, je me dis, pourquoi laisser la place à un jeune? Mais avez-vous encore du plaisir à faire l'émission? Ben oui. Des fois, on la regarde, puis... Ah oui, je trouve ça plate. Non, mais je me dis que ça se regarde. On va être bien franc, là. Ouais. La soirée est encore jeune. Je sais pas si vous voyez, là, ça a un gros potentiel télé. Ouais. On trouve que le jeudi soir, c'est un beau spot. Tout ce qui manque, c'est une caméra. Ben oui, en fait, c'est, puis là, on n'a pas de caméra. On en a deux caméras, là, mais bon, c'est fait par... Oui. En tout cas, c'est sur le coude. Là. Ouais. Mais, à la bonne franquette. À la bonne franquette. Mais il demeure qu'on se disait que, supposons là, que vous le savez déjà, là, ouais. L'année prochaine, vous revenez pas. Ouais. C'est le fun de nous le dire. OK. Est-ce que vous revenez? On le sait pas encore. Ah non? Non, c'est le temps en février à peu près que ça se décide. Ah oui? Oui. Fait que de janvier à février, on se promène, on prend les ascenseurs. Puis quand on croise un patron, on dit bonjour. Et là, on attend. Et là, s'il nous dit bonjour, on dit ah, il nous a dit bonjour. Mais là, on analyse le bonjour en disant ah, ça, c'est un bonjour sympathique. Donc, ça se peut qu'on revienne. Ah, il nous a pas vu. Il a-tu fait mine de pas nous voir? Donc, c'est un mois d'intense. Au moins, c'est en février. Nous autres, en radio, c'est assez. C'est quasiment fin septembre, l'année d'avant. Oh, mais honnêtement, je pense qu'il pourrait vous le dire maintenant. Hein? Ah ouais? Oui. Ben, je pense qu'il est dans l'assistance. On lui demandera tantôt, le patron. non, mais j'ai écouté vos chroniques scientifiques Explorer. Je trouve que c'est une très bonne voie pour vous. OK. Je dis ça comme ça. Oui. Mais regarde. Oui, non, il n'y a pas de trouble. C'est ça. Alors, on parlait de politique parce qu'on est évidemment Pierre Moreau avec nous. Ouais. Et vous êtes un expert de la politique. Oui. Vous vous êtes même présenté à la chefferie du Parti libéral du Québec. Ben, vous vouliez vous dans présenter. Dans le temps, oui. Dans le temps, je veux dire, vous étiez. Dans le temps de la fin du monde, tu as 7 heures. Je pense en 98. Ouais. Mais moi, je voulais pas être premier ministre. Je voulais seulement être chef de l'opposition. Ah, OK. Parce que je trouve que c'est plus le fun comme job. C'est ce qui se passe. Ben oui, mais tu fais juste te lever. Tu dis, je suis pas d'accord avec l'autre bord. Tu te rassois. C'est une job relax. Ouais. T'as pas le fardeau de créer des politiques. Ouais. D'ailleurs, je soupçonne que le PQ est en train de réaliser que c'était plus le fun dans l'opposition. Peut-être qu'il va vouloir en revenir. Oui, c'est ça. Moi, c'était chef de l'opposition que je visais comme job. Mais c'est vrai, ils ont pas l'air heureux. Ouais. J'ai trouvé ça. Là. Je regarde les conférences de presse. Je vous suggère fortement, si vous devenez chef de l'opposition, oui. Restez là. OK. Est-ce que vous allez voter pour moi pour que je devienne chef du Parti libéral? Parce que j'ai apporté des formules pour les cartes de membres ce soir. Moi, j'en remplir une. OK. Parce que les cartes de membres, j'utilise comme sous-vert. Oui, mais de toute façon... Est-ce qu'on peut voter pour plus qu'un chef? Non. Parce que Raymond avait amené beaucoup aussi des formulaires. Non, mais moi, est-ce qu'il reste encore des membres de votre course au leadership? Je pense plus. Faudrait réactiver ça. Oui, faudrait réactiver ça. C'était les jeunes de l'époque qui sont rendus tout. Ils sont dans l'establishment maintenant. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, dans le temps, on m'avait refusé ma carte du Parti libéral. Ça, on m'avait retourné mon chèque de 5$. Pourquoi? Je sais pas. Jugement le de valeur. Le chèque était pas bon ou le chèque avait retourné tout seul? Non, ou... c'est un bon 5$ en bonne et due forme. Ah, oui? Je l'avais pris personnel dans le temps. Moi, je comprends. Ouais. On pourrait investiguer là-dessus. Mais justement, là, on a un des trois candidats. Est-ce que Pierre Moreau ferait un bon premier ministre? Un excellent chef de l'opposition. Ouais. Mais on ne le sait jamais, premier ministre. Je soupçonne que vous ne le savez même pas. Peut-être que vous avez le goût de le faire, mais c'est dur de savoir si on est un bon premier ministre ou pas, si on va le devenir. Mais la pas. Première étape, puis je le disais tantôt, puis c'est pas une blague, quand on fait un leadership, c'est d'abord pour être chef de son parti. Le premier ministre, là, c'est quand le parti a fait sa job, qu'il a présenté un programme qui se tient puis qui dit à la population, regardez, on est une option valide. Ah, donc c'est ça, pas... c'est le PQ, ça, finalement. Non, non, non. Ils ont fait non, un bon non, travail. Non, non mais ben j'entends ce que vous dites. Là. Non, ils sont minoritaires. Ah, oui. Ben, c'est, oui, ça, c'est vrai. Aussi. Mais quand même. Peut-être un peu... Mais moi, c'est un jugement de valeur trop fort. Mais vous avez dit le mot magique, leadership. Moi, c'est le mot que j'adore. Leadership? Oui, non, leadership, c'est comme... Souvent, les chefs se présentent comme des marchands de leadership. Ouais. Tu sais, on le voit, M. Couillard, c'est écrit Leadership 2013. Vous êtes tous des... Ah, mais j'ai pas écrit ça. Hein? Moi, j'ai... Non, mais vous, jeunesse. Ça vous intéresse pas, le leadership? Le leadership, je suis dans la course au leadership. Ouais. Donc oui, ça m'intéresse. Mais ce que je pense qu'il faut faire, c'est se positionner, pas dire leadership. Il faut faire une démonstration qu'on est capable de l'être. Voilà. Okay. C'est ça. Puis justement, là, on voit partir Jean Charest quand même. C'était un de vos bons amis, Jean Charest, quand même. Oui, ben c'est... moi, c'est quelqu'un que j'ai adoré pour différentes raisons. On imagine. Un, il bourrait à peu près 5 minutes de notre émission chaque semaine. sa capacité, et c'est ce que... Je vous reconnais un peu cette capacité-là. Sa capacité de patinage de fantaisie à M. Charest était incroyable. Est-ce que c'est, c'est le temps du débat? À une question. Oui, absolument. C'est le temps. Oui. Okay. Oui, c'est le temps du débat. Oui. Alors, il se présente lorsqu'on fait la conférence de presse, puis il me pose des questions. Il dit... C'est Jean-René, ça? Oui, Jean-René. Ah, Alors, on appelait M. Dufort. M. Dufort. Oui. Non, non. M. Dufort se pointe, et puis là, il commence à poser des questions, mais il dit, là, vous patinez. Et j'ai vu le segment d'émission où il y avait même des images de patinage artistique. Oui, des patineuses. Alors, là, je lui ai dit, dans un langage plus châtié que ça, la raison pour laquelle vous avez ce genre de réponse, c'est parce que les questions sont poches. Arrêtez donc. Alors, je lui ai lancé un défi et j'ai dit, posez, faites en sorte que vos questions ne se répondent que par oui ou par non. Là, à ce moment-là, on ne peut pas patiner. Mais ça, c'est troublant parce que ça veut dire... Parce que moi, j'ai observé beaucoup de vos cassettes et ça veut dire que des, des questions poches, vous n'avez reçu en tabarnouche. C'est épouvantable. Non, mais moi, c'est pas un défaut parce que c'est vrai que des fois, les journalistes tentent des pièges. Oui. Et Jean Charest, les politiciens l'estimaient pour ça et les journalistes aussi parce que souvent, on essayait d'avoir une réponse et on n'avait pas au bout de 20, 15, 30 minutes, et c'était... Autant on adorait. C'est un art. Ben oui, mais, c'est un art, mais je vais vous dire, parce que vous êtes toujours du côté où la question est posée. Moi, je suis toujours du côté où la réponse est donnée. Mm. Et ce qu'on a comme impression souvent, c'est que la question, elle est posée dans l'intention d'avoir la réponse à laquelle vous vous attendez. Ouais. Et quand vous n'avez pas cette réponse-là, là, vous dites, bon, le politicien patine. Il était plate. Ou il était plate, ou il ne répond pas à la question, mais il a peut-être répondu. Mais comme, mettons un exemple, la création de la commission Charbonneau. Les libéraux, ça, vous avez comme jamais patiné là-dessus. Sur la création de la commission Charbonneau. Ben, la création de la commission Charbonneau, on a toujours dit la même chose. Ah ben c'est ça. Là, tu vois, là, il va c'est là. C'est ça. Là que je mettrais patineuse. Ce qu'on a dit, on a dit enquête de police, commission après. Ouais. On le dit avec une phrase un peu plus longue, sujet verbe complément pour pas avoir l'air illettré. Mais ce qui est fun, c'est qu'on a des bonnes polices. Non mais ça on le sait. Non mais là je vais y aller avec une question oui ou non. OK, une question oui ou non. Monsieur Bachand a dit que le Parti libéral avait attendu au moins 6 mois de trop pour lancer la commission. Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec ça? Non. Non? Non, c'est ça. Pas d'accord avec ça. Okay. Non? Ben, il veut se démarquer de M. Bachand. Ben, je réponds non, mais là, si vous voulez l'explication, on peut venir après. Ah, ben, c'est trop long, ça. OK, parle. C'est ça. Mais, de toute façon, on a passé notre temps. Mais, Jean-René, on serait resté là pendant encore une couple d'heures. Mais on peut la fin de semaine, même. Faut passer immédiatement à Olivier, c'est plat demain. Ouais, regarde, Fred, présentez-nous Olivier. Grâce à son écoute méticuleuse de la radio Jean Bonne, nous sommes maintenant mieux en mesure de comprendre les sons qui sortent de nos poubelles. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Ah, Olivier. Ben oui. C'est ça. La question était sur toutes les lèvres la fin de semaine dernière. Comment faire une sauce à spag sans bœuf haché mi-maigre? Personnellement, j'utilise du veau puisqu'on sait que les excréments de veau sont moins durs pour l'estomac et relèvent le goût des tomates italiennes. Oui. Mais certains insouciants utilisent plutôt des viandes du terroir plus fancy, niant la nature de la bête, comme l'explique un certain Well de Québec. Puis là, la nouvelle mode, c'est... Tu sais, les viandes de bison, les viandes chevalines. Du terroir, Je veux pas vous faire la morale, là, mais ayez votre propre logique, là. Un cheval, c'est pas fait pour être mangé, dans l'ordre des choses, là, le cheval est pas sur terre pour être mangé. Ben non. En effet, un cheval est sur terre pour tirer des touristes un peu quétaines dans le Vieux-Montréal, ce qui est beaucoup plus noble. Lundi, pour rester dans le domaine de l'alimentation, des féministes indignées se sont jetées sur la campagne « L'allaitement, c'est glamour », comme un poupon assoiffé se jetterait sur la poitrine de Maë Paiement. Une récupération qui n'a pas plu à José avec un Y du FM 93. Quand est-ce qu'on les entend beaucoup, les féministes? On le sait. C'est quand il y a des calendriers qui sortent, des femmes sexy. Il y a le calendrier du Rougeard, les filles de volleyball. C'est volleyball? C'est rugby. Du rugby qui veut faire quelque chose. Là, ça n'a pas de bon sens. Mais en plein jour, dans l'autobus, tu sors le sein pour allaiter ton enfant, ça se correct. C'est très paradoxal. C'est ça. Ouais. C'est comme de la pornographie soft, dans le fond. Là. J'avais pas vu ça de même pantoute. Probablement que j'étais trop occupé à nettoyer le rigurgie sur ma cravate pendant que ma porn star de blonde allaitait. Mardi, je n'allais manquer pour rien au monde l'émission Hommage que consacrait Radio X Montréal à Gilles Proulx, un pionnier en matière de dire des affaires pas d'allure. Une émission qui a beaucoup touché l'hommager, qui a montré toute sa gratitude direct en partant. Belle je sais que t'aimes pas ça. Vaillante qui veut déloger le 98.5. Vous avez des croûtes à manger, les gars. Hey, c'est pas que oh, je t'ai... Radio Ticoun. Écoute ça tout à l'heure, c'est une Radio Ticoun. Tu sais, quand Gilles Proulx trouve que tu manques de classe, là, c'est peut-être le temps de commencer à te poser des questions. Malheureusement, M. Proulx a retrouvé son flacon de pilule et est allé s'excuser dès le lendemain auprès de Dominique Moret, le petit coun en question. Dans un autre ordre d'idées, mais pas tant que ça, écoutons Léopold Lauzon qui dévoilait mercredi une étude démontrant que les grandes sociétés canadiennes ne paient pas ben ben d'impôts, etc. Puis là, qu'on voulait pas pogner la affaire du travail au noir, puis le niaiseux à Bachan qui nous disait « Soyez solidaires ». Qu'est-ce qui donne donc ces petites leçons de morale? Écoute, moi, dans tous les chiffres, quelqu'un qui lit cette étude-là, ben il y a de la mort, il y a des gens qui meurent. À Montréal, il y a un enfant sur trois qui va à l'école sans avoir mangé ou très peu. Bon, enfin, une voix posée pour contrebalancer le discours de la droite. Non, mais si on met un peu d'ordre dans tout ça, là, on comprend que Raymond Bachand devrait s'attaquer aux entreprises qui tuent nos jeunes en ne payant pas d'impôts plutôt que de s'attaquer au travail au noir. Monsieur Moreau, j'espère que vous prenez des notes pour votre prochain débat avec Monsieur Bachand. Jeudi... Est-ce que vous allez me passer votre iPad? Non, pas question. Jeudi, la constable 728, après avoir abusé du poivre de Cayenne pendant les manifestations étudiantes, revenait dans l'actualité pour cause d'étranglement d'un platonien du nowhere. On réécoute. Toutes les rats qui étaient en haut dans les gratteux de guitare, c'est tous des hosties de carré rouge, là. C'est tous des artistes hosties de, en tout cas, des mangeux de marde. Carré rouge, gratteux de guitare, mangeux de marde. Hey, moi qui me demandais justement quel genre de personne est abonné à la radio pirate de Jeff Fillion. Dans votre gang sur Facebook qui porte des carrés rouges, c'est tous ceux qui n'allaient pas à l'école. C'est tous ceux qui jouaient de la guitare puis qui sautaient des douches. Là, je dis pas que 728 a été brainwashed par les radios ticounes, non. Elle est le reflet d'un certain discours qu'on entend un peu partout. Reste que si vous voulez mon avis, c'est dans l'ordre des choses, une jambonne du terroir n'est pas sur terre pour être policière. Merci, Oli. Oh! Alors, on va retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Bonjour Jean-Philippe, alors toujours à Radio X où je tente d'avoir un job et c'est le moment très important, je suis passé à travers toutes les étapes, c'est donc le moment de l'audition avec M. Gagné. Alors ensemble on va simuler une émission, ça va être un peu mon démo si vous voulez. Okay. Alors M. Gagné, je suis prêt, c'est quand vous voulez. Alors bonjour à tous, ici Jean-Nicolas Gagné, vous écoutez présentement Radio X et pour commenter l'actualité en ce vendredi 12 septembre, nous avons un tout nouveau chroniqueur du nom de Jean-Sébastien Girard. Comment ça va, Jean-Sébastien? Non, mais je suis pas écœurant. Oui, mais quoi ça? Ben, tout ça, là, les syndicats, Gabriel Nadeau-Dubois, le Bessic Hiver, Françoise David. D'ailleurs, j'invite la population à ouvrir ses portes de char sur la David si elle passe à côté de vous. Ça va lui calmer les nerfs à la communiste. C'est juste un petit coup de porte, là, bien solide, là. Bang! Bon, c'est parfait, j'adore ça. Mais est-ce que vous avez senti, vous, le tremblement de terre, toujours cette semaine? Oui, le tremblement de terre. Puis l'épicentre du tremblement de terre a eu lieu à Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Saint-Marc-sur-le-Richelieu, un trou à rats, une gang de débiles consanguins qui habitent là. Il n'y aurait pas un seul survivant sur place que je me mettrais à giser partout. J'adore ça. Nous, on cherche des gens avec beaucoup de préjugés. Vous avez des préjugés, vous? J'ai juste ça, des préjugés. Est-ce que vous avez un 4 roues? J'ai jamais entendu parler de ça, le compost. Plus le compost, c'est mort non plus, c'est parfait. J'adore ça, c'est toutes des choses du besoin. Est-ce que vous avez aussi parlé, vous avez entendu peut-être l'émission de la soirée est encore jeune, est-ce que vous connaissez? Oui, j'ai écouté ça cette semaine, deux invités plates, dont un qu'on connaît même pas. Puis comme d'habitude, Gauthier se trouvait beau, Savard se trouvait drôle, puis Nickel lisait son texte avec une grosse patate chaude dans la gueule, et tout ça avec quoi? Avec nos taxes. Avec nos taxes! Oh, mais je pense, vous avez l'affaire, j'hésite entre vous et matricule 721, je pense que c'est vous qu'il faut prendre. Ben, vous êtes bien fin, alors je fais maintenant partie de la famille, je vous laisse définitivement, Jean-Philippe, je vous invite à contacter Joël Legendre pour me remplacer. Je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Merci. Hein. Ben, c'est comme ça. Ben oui. Avez-vous son téléphone, hein, Joël? En tout cas. Je sais pas. Fred, présentez-nous notre prochain chroniqueur. Malgré une pause de la commission Zambito, notre analyste politique n'a pas chômé cette semaine. On l'a donc peu vu dans ses bureaux au Off-Post. Voici Jean-Philippe Dupriamé. Mais. Hey, bonsoir. C'est vraiment nécessaire un bureau au off-post. Il me semble juste un contrôle C, contrôle V. Faut bien mettre ses pieds. Faut mettre ses pieds à quelque part, quand même. Hey, non, mais on rit bien, là, mais dure semaine pour le maire Tremblay. Ah, vous trouvez, hein? Ben, un petit peu, oui. Ben, lui, il sait pas, là, il est pas au courant. Mais non, c'est pas vrai. Là, ça a l'air qu'il aurait même senti le tremblement de terre un peu après. Non, mais c'est vrai qu'il avait l'air fatigué, un peu frippé. On avait l'impression que matricule 728 était passé dans son bureau. On était loin des chroniques de jardinage qui faisaient votre émission, Jean-René, il y a quand même un petit moment. Hein, oui. Mais on n'était pas loin de la citrouille. Mais, c'est ça. Mais il a vieilli un peu. 70 ans quand même. Ça fait 11 ans qu'il est là. Vous connaissez Paul Éluard qui disait le dur désir de durer. Non. Avec lui, c'est comme dur de désirer qui dure. Mais c'est... Parce que souvenez-vous quand même, il y a eu une semaine difficile. Là. Quand les premières images de Rizzuto là, avec les entrepreneurs sont sorties, il a appelé Mirador, il a fait une conférence de presse pour dire qu'il était fâché, parce qu'il n'était pas au courant. Puis dès qu'on a commencé à parler de son parti, oups, on va attendre les conclusions de la commission. Là, il est devenu muet. Ça nous rappelait un peu, vous souvenez de son débat avec Pierre Bourque, là, 16 secondes de silence. Là. Ouais. Ça le place à peu près au même pied d'égalité que Barack Obama en débat cette année. Surtout quand on t'a Clint Eastwood. Exact, ouais, mais il a dit qu'il avait la conscience en paix. Peut-être, moi j'ai quand même l'impression que sa chute va être aussi rapide qu'un gars qui veut faire de la chute libre dans la stratosphère. Je sais pas pour vous, là, mais ça sonne de même. Il va dire jusqu'ici tout va bien jusqu'à temps de frapper le bas. Mais là, il peut pas rester. Je veux dire, tout le monde veut Denis Coderre. Ben, on a vu le sondage. Tout le monde, avec Justin qui s'en vient sauver le Canada en plus, ben, ça tente moins à Denis de rester à Ottawa. Il y a quelques semaines, par contre, souvenez-vous, il y a plein de conseillers du maire Tremblay qui sont sortis contre Denis Coderre. Ils disaient qu'il n'y avait pas l'expérience pour être maire parce qu'il a juste été ministre libéral, tandis que Gérald Tremblay, lui, avant d'être maire, il a été ministre libéral. Ah, c'est ça. Bon, il y a un des conseillers de Tremblay aussi qui disait que Denis Coderre ne serait pas capable de faire un budget municipal aussi bien que Gérald Tremblay. On se souvient des compteurs d'eau, entre autres. mais on va comparer un peu les deux, Vautier, si vous voulez bien. Denis Coderre a été ministre de l'immigration, ce qui est assez pratique à Montréal. Oui. Gérald Tremblay a été ministre de l'industrie, du commerce, de la technologie. C'est lui qui a ouvert les commerces le dimanche. Hein? Bon. Wow. Pour l'instant, c'est pas si mal. Ouais. Tremblay a été avocat, il a MBA à Harvard, prof au HEC. Denis Coderre a étudié en Sciences Po et sa bio officielle sur le site du gouvernement du Canada le décrit comme un agent de relations publiques, un annonceur de radio et un courtier d'assurance vie. Bon, entièrement. Avantage de Tremblay, encore. Et dans son enfance, Gérald Tremblay voulait devenir prêtre, tandis que Denis Coderre, lui, au-delà de son air de mononcle sympathique, voulait aller en astronomie. Vous vous souvenez, Jean-René? Oui. Il voyait des ovnis. Il voyait des ovnis, exactement, selon un reportage qui est encore sur YouTube. Oui. Mais quand même, Denis Coderre parle quatre langues, le français, l'anglais, le créole et le Twitter. Et rappelez-vous, il est quand même assez débrouillard. Il y a 5 ans cette semaine, il se rendait tout seul en Afghanistan, par but. Avant Stéphane Dion, pendant que Maxime Bernier distribuait des Joe Louis, ça veut dire qu'il peut vraiment survivre dans n'importe quel chantier à Montréal. Ouais. Ça, c'est clair. Moi, je me rappelle, j'avais trouvé ça très drôle parce qu'il était parti barbu. Oui. Généralement, on revient barbu là-bas. Là. Il était déjà en voyage dans sa tête depuis très longtemps. Y a-t-il d'autres noms comme candidat potentiel qui circulent? Ben, une madame qui s'appelle Louise Arel, je sais pas c'est qui, a pris des cours d'anglais tout l'été, ça a l'air. Sinon, il y a Michael Fortier, John Parizella, André Boisclair, que vous adorez, Raymond Bachand aussi, ça a l'air c'est que vrai, si la, la course ne fonctionne pas, ça vous aiderait peut-être, monsieur Mais vous, là, monsieur Mort. Ce serait une bonne idée. Mais vous, monsieur... Est-ce qu'il était dans le sondage, Raymond? Oui. Il était dans le sondage, mais vous, monsieur Moreau, là, quand Philippe Couillard va avoir gagné, là, est-ce que... Mairie de Montréal... Gagner quoi, la loterie? Mairie de Montréal, ça vous intéresserait pas? Oui! Ça vous éviterait de passer le pont, là? Ah, non, mais la mairie de Montréal, non vraiment pas. J'ai pas de visée sur la mairie. On dit jamais. Hein? Ah, mais là, je ne dirais jamais. Ah oui? Oui. Eh bien, c'est Denis Coderre qui reste mieux ce soir. Ben, à voir la semaine de M. Tremblay, on vous comprend. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. Écoutez, c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on est fou, plus on lit. Ensuite, c'est Bande à part animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon. Évidemment, l'indispensable Philippe Roberge à la console et à la musique, ainsi que François Lemay, Barbara Judith Caron. Un immense merci à nos invités de ce soir. Pierre Moreau, bonne chance dans la course à la chefferie. Merci, c'est gentil. Jean-René, on vous écoute toute l'année Infoman. C'est votre dernière année, alors on écoute ça avec concentration. Et quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter, à twitter.com/la soirée. Vous nous réécoutez grâce à notre balado qui est disponible sur notre site. Et si si vous voulez assister à notre prochain enregistrement, jeudi prochain, 17h, nos invités Gérard Deltel, Louise Arel, Jean-Philippe Rautier, qui vous souhaitent de profiter de cette soirée qui est encore jeune.